Salut créatif, aujourd'hui un nouveau podcast, ça fait depuis un moment et donc ces derniers temps j'étais malade et très occupé aussi. Bien, ce sont de petits détails, encore aujourd'hui je suis un peu malade alors excuse-moi si je renifle ou si je tousse un peu. C'est rien de grave. Aujourd'hui on va encore parler de création, mais plus dans un sens émotionnel. Ce que je veux dire par là, c'est que dans l'idée que quand tu crées quelque chose, c'est mieux que tu donnes. Enfin, tu donnes de toi-même pour que ce que tu crées est meilleur. C'est tout con, mais tu vois, quand tu aimes quelque chose, quand tu écoutes une musique, tu ressens quelque chose. Ouais, c'est parfaitement normal. Et donc, assurant cette émotion-là, ça te donnera envie de réécouter cette chose ou de la revoir, enfin, que ce soit un film ou quoi que ce soit. Ça t'a donné quelque chose, ça t'a donné de la valeur. Et dans l'idée, il faudrait, genre, répéter cette action, si tu veux. Dans tes créations. Et pour ça, il y a plusieurs manières, genre raconter une histoire quand tu crées quelque chose, genre imaginons que c'est une illustration, un simple dessin. Genre tu vois que tu mets en scène quelque chose, genre tu mets en scène deux personnages qui font une action, un mouvement, ou à moins que ce soit juste un décor, que ce soit paisible, un décor paisible avec des bâtiments en ruine, tu vois qu'il s'est passé quelque chose. Tu vois quelque chose dans le genre. Tu racontes une histoire, tu donnes vie à tes créations. C'est quelque chose qu'il faudrait. Enfin, il faudrait que tu essayes petit à petit. Enfin, ça dépend ce que tu fais, bien sûr. Hein, que ce soit dans la création, que ce soit dans la vidéo ou autre. Mais essaye de donner plus de ta part, créer quelque chose de meilleur. C'est tout bête. Après, il y a d'autres trucs qui peuvent marcher aussi si vous n'êtes pas du genre à raconter des histoires. Il y a aussi votre propre histoire, votre propre manière de voir les choses, enfin, histoire de vous-même.